On ne précise jamais aux gens de combien ils sont fous. On dit juste qu'ils ont perdu la boussole, qu'ils sont à côté de la plaque. Paumés, quoi. Alors un peu plus, un peu moins, finalement. À quoi ça peut servir de savoir ? Savoir de combien de centimètres on s'est éloigné. La seule chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que d'où je suis, ça me fait plus rien. Plus rien. Je suis là. Je suis là. Par ici. Je suis plus là. Non. Je suis là. Oh, hé. Oh. Je suis là. Donc, nous sommes là. Ah ouais, elle est facile, je sais. C'était quoi ce qu'on a entendu là? Je vais désannoncer, on dit ça dans le métier. Bah, Francis Gavel m'a expliqué, il faut que je dise. Donc déjà, je vais vous dire ce que vous avez entendu avant, qui était The Love Cats, bien sûr, des Cure. Et ensuite, l'une des répliques cultes. Il y a quelques répliques cultes dans le cinéma, comme ça, comme « Twas Beauty Who Killed the Beast », King Kong. Et « Je suis là », donc de Skizen. De Jérémy Clapin. Vous êtes toujours donc à Bulle de Rêve. Il y a plein de monde maintenant. On est 11. Vous allez voir les photos, évidemment. Vous entendez ce petit bruit. Voilà. C'est le petit bruit de l'appareil photo, très discret, toujours de Florentine. Et donc, on va parler avec, en effet, Jérémy. Tu n'étais pas venu pour Skizen. On ne va pas parler de Skizen. C'est loin. La voix de. Bon, si tu veux, on peut en parler. Julien Boisselier. C'était juste. On en a parlé. C'est une super réussite. Visuellement, etc. Et une réussite aussi parce que, alors, maintenant je le dis comme tu l'as dit, au niveau des prix obtenus, parce que c'est une espèce de record, c'est ça, non ? On se demande combien il y en a eu ? De record, je sais pas, il a eu 90 prix, j'ai gagné plein de thunes avec. C'est vrai ? Ouais. Est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent ? Il y a pas mal d'argent qui est venu vers toi ou c'est plus le prod qui récupère dans ce cas-là ? Non, on gagne, il y a de l'argent, pas dans tous les prix, pas dans tous les festivals, mais il y a des festivals qui sont plutôt pas mal dotés et finalement, bout à bout, surtout que c'est pas imposable pour l'instant, parce que, évidemment la crise va venir par là à mon avis. Et du coup, c'est pas négligeable. Bon, évidemment, on ne peut pas faire de film pour ça, mais c'est ça peut faire vivre un petit peu. Sympa, en tout cas, ouais. Voilà, quand on a pris des risques, quand on a pris beaucoup de temps, et voilà. Skizen, c'était c'est parti d'un. J'avais deux extraits. On n'a pas le temps de passer deux extraits qui étaient pour ceux qui connaissent pas. Hein, c'est l'idée de voilà 91 cm, se retrouver à 91 cm de soi-même qui parle en effet donc de folie. Et pourtant, à la base, ça part plus d'un délire d'animateur, non ? Tu disais de plus de jeux. Ça part d'un dessin, ça part de. C'est une idée qui part d'un crobar que je. Enfin, en fait, de deux crobars que j'ai dessinés sur deux feuilles différentes, suffisamment transparentes pour qu'on puisse voir l'une sous l'autre. Et en fait, il y a un personnage et la chaise sur une feuille et le personnage sur la feuille d'après. Et puis en glissant comme ça. Bon, en fait, bizarrement, ça racontait quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, ça me parlait. Peut-être j'avais bu quelque chose, je ne sais pas. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce que ça pouvait signifier. Comme ça, finalement, la chaise, et le personnage était assis, donc l'action existait, parce qu'il avait cette posture assise, mais il n'y avait plus la chaise derrière. Si on la glissait un peu plus loin, ça devenait de plus en plus compliqué pour lui. Ça racontait... Ça pouvait être un départ, quoi. Donc en fait, la dimension psychologique du film est venue après. C'est d'abord graphique. Ça, c'est assez intéressant. Et comment c'est venu ? C'est venu en racontant l'histoire. C'est-à-dire que tu dis, ça racontait une histoire. Donc tu as commencé à écrire ce scénario ou juste comme ça, tu es parti sur... Je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait être suffisamment puissant pour propulser un personnage en dehors de lui-même. À part, alors j'ai réfléchi, je me suis dit, sur Terre, qu'est-ce qui peut nous toucher d'assez fort, à part quelque chose qui vient d'ailleurs comme la météorite, une météorite, finalement. D'ailleurs, c'est d'actualité, je crois. Oui, c'est impressionnant, l'actualité qui rejoint... Ouais, ça fait bondir les ventes, c'est incroyable. Hein, Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le film s'est vendu plus dans la soirée météorite d'Arte ? Est-ce que... Non, il est épuisé, de toute façon. Non, mais... Et en fait, ouais, donc j'ai pensé à cette image de la météorite qui était une image physique, mais en même temps qui avait des conséquences aussi sur le psychique du personnage. Et du coup, à la même échelle, il se passait la schizophrénie avait à peu près les mêmes dégâts, causait les mêmes dégâts sur le personnage. Alors juste s'il y en a qui n'ont pas éteint leur portable. Ah ouais, c'est pas moi. C'est peut-être le moment. Mode avion, ça marche ou pas? On va dire qu'on est dans un avion. C'est la console de jeu. Ah d'accord, bon. Enfin, un portable. La console de jeu, c'est différent. On peut pas enlever la console de jeu. Pardon, vas-y. Donc, non, mais tu veux que je peux l'arrêter? Non, hein, non, si non, tu veux. Non, attends. D'accord. Parce que Jérémy est venu avec son fils, Vargo. Voilà. Vargo, oui. C'est joli comme prénom. Bonjour Vargo. Bonjour. Et donc... psychologie du personnage, voilà, donc c'est venu de suite, en tout cas, cette base d'histoire pour essayer, c'est-à-dire que tu as commencé à pitcher, comme on dit, assez rapidement quand même, cette idée-là. J'ai écrit assez vite, en fait, après l'idée, parce que j'ai dû écrire ça en une semaine, mais après, j'ai pas eu... Après, c'est toujours laborieux d'avoir des aides, en tout cas pour moi, d'obtenir des aides du CNC, c'est toujours très très long. Il faut écrire un dossier qui soit d'abord vendeur, avant d'être complètement, avant d'être complètement explicite sur le film, il faut d'abord vendre ça. Donc, je suis peut-être pas très doué pour ça, et du coup, je galère pas mal. En fait, je mets souvent un an, voire plus. Et encore, j'ai la chance d'en avoir des subventions. Mais du coup, il s'est passé après beaucoup de temps à peaufiner, réécrire et tout ça. Et après, c'est surtout sur l'animatique en fait que je travaille. Je sais pas si ça va être embêtant. Ouais, Nicolas, c'est peut-être très non. Je sais pas si on a l'impression que le portable, on l'entend vraiment énormément, donc est-ce que c'est... Il va aller jouer dehors. Je suis désolé. Tu veux jouer dehors? Ouais, est-ce qu'on l'entend plus, donc c'est vraiment ça, désolé. Il y a Florentine, voilà, c'est... Merci Florentine. Eh, on est en direct, ça, c'est plutôt ça. Désolé. Non, au contraire. Il était sage, hein. Il est sage, hein, sinon. Ouais. C'est juste il était très sage, ah ouais, non, vraiment, on est désolé, ouais. C'est juste que le portable, quoi. La prochaine fois, il faudra amener la Nintendo DS ou ce genre de choses, ça fait moins de bruit. Donc, on va réussir on va repartir, pas évident. Ouais. Mais. T'aimes pas les enfants. Hein. Arrête, commence pas. J'aime beaucoup les enfants qui viennent, on peut faire même une interview de Vargo. D'accord. Attends, impressionnant. Avoir un père réalisateur. Donc. Skizen, donc voilà, le dossier, t'as toujours du mal à faire un dossier finalement. Ça, c'est pas la même chose pour Panemi Pédarien, mais est-ce qu'on n'a pas plus de possibilités quand on a fait un film comme Skizen qui a vraiment bien marché Je pense que si, évidemment, on est crédité de. Enfin, notre film a suffisamment marché, en tout cas, pour que les gens ne nous expédient pas tout de suite avec un nom. Un nom fort, quoi. Donc ils réfléchissent. Et là, Panemi Pédarien était un projet assez difficile. À concevoir avant d'avoir fini le film, même pour moi, donc c'était peut-être aussi difficile à vendre et à pitcher, etc., à mettre sous forme de dossier. Donc j'ai bénéficié certainement d'un capital confiance qui m'a permis d'avoir une aide peut-être que j'aurais pas eu certainement pour un premier film. Ouais. Est-ce que toi tu penses que ça devient de plus en plus difficile avec de plus en plus de monde? On va parler de Babouchka tout à l'heure, donc j'ai annoncé, Marine était là, la Poudrière qui va sortir dans quelques mois, voilà, il y a de plus en plus de monde qui en plus a envie de faire des courts-métrages. Est-ce que ça, par rapport au dossier, devient de plus en plus complexe? Je sais que là, il y a quelques grands auteurs qui ont été refusés récemment. Ça a toujours été difficile, hein, de toute façon, mais en même temps, pour avoir été dans ces commissions, il y a beaucoup, beaucoup de mauvais dossiers. Donc, il y a moyen d'avoir, avec un très bon dossier, de sortir du lot. Après, c'est comme un concours, c'est-à-dire que ça va dépendre qui est en face de nous le jour J. Voilà. Non seulement autour de la table pour décider, mais aussi quel projet se pose face à nous. Donc, moi, je sais que Skizen avait été débouté. Non pas par des remarques du jury, mais juste parce que voilà, il y avait un projet qui avait plus fait l'unanimité à ce moment-là, et ils ont pas, ils peuvent pas donner des aides à tout le monde, quoi. Donc, ils ont un quota. C'était quoi le projet? C'était le projet de Pierre-Luc Grangeon, Le Loup Blanc. D'accord. Voilà, qui est un beau film d'ailleurs. Donc, Skizen marche très bien. Il y a Misère Vertébrale qui avait été aussi un film qui avait plutôt pas trop mal marché aussi, bah, pas de la même manière évidemment. Quand on fait un film comme Skizen, on disait c'est plus facile, et à la fois quand on est encensé un peu partout, le film a vraiment été parce que bon, gagner des prix c'est bien, mais surtout beaucoup de gens en effet ont aimé. Enfin voilà, on entendait la voix de Julien Boisselier qui fonctionne super bien, il y a la musique de Nicolas Martin qui tombe bien aussi. Enfin voilà, il y a une espèce de précision comme ça, aucun film n'est parfait, mais en tout cas, voilà, qui fonctionne très très bien. Est-ce qu'on a l'angoisse de, du film d'après, ou est-ce qu'on vous fait ressentir l'angoisse? Est-ce qu'on t'a fait ressentir, je sais pas, les gens des chaînes ou les gens de festivals, on dit, eh ben, on attend ton prochain film là, et t'as intérêt à nous surprendre, ou ce genre de choses? Alors c'est vrai qu'au début on se dit non, non. Bon, enfin moi je fais mes films par envie, donc ça va pas trop m'impacter. Mais et puis moi j'ai très vite travaillé sur d'autres choses après Skizen, donc sur de la commande, des choses comme ça finalement qui m'ont permis de pas penser trop à ça. Mais bon, ça au bout de quelques années l'envie de faire un court revient et c'est vrai qu'on a souvent on est attendu. Enfin on nous attend, on nous dit ah j'ai hâte de voir ton film. Donc il y a une espèce de pression qui vient pas. Si elle ne vient pas au début, en tout cas, elle se construit petit à petit. Et du coup, les motivations peuvent changer sur le désir de faire un film. D'un coup, on ne sait plus pourquoi je fais ce film. On ne sait plus trop. On s'inscrit forcément en réaction au précédent. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Et on veut presque se réapproprier peut-être ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que tout le monde nous attend sur un truc. Et au contraire, je pense qu'on fait exprès, en tout cas. Moi, j'ai fait exprès d'aller sur autre chose, quitte à prendre un peu de risque. Ouais, quand un film nous appartient quasiment plus, Skizen, c'était drôle. Angèle disait tout à l'heure, enfin, avant la fin, en disant « Ah ben, ça vient de ce film-là, décidément, ça devient un gag entre nous, on dit souvent « je suis là ». Et finalement, on en oublie presque de quel film ça vient, ou en tout cas, ça devient quelque chose de... Voilà, qui passe comme ça, et quand on a perdu quelque part le contrôle du film, est-ce qu'on a envie d'avoir un film qui soit encore peut-être plus personnel? Est-ce que Palmipédarium vient de là aussi, quelque chose qui est plus peut-être moins évident au niveau de l'histoire et de la narration? Alors oui, c'est un film qui est moins universel et qui est plus dans l'évocation, un film d'atmosphère, donc qui va toucher forcément moins de personnes, en tout cas. Mais pour revenir juste sur Skizen, c'est vrai que bon, c'est marrant, je me rappelle le moment où il enregistrait. Après, j'en parlerai plus. Julien Boisselier, quand il enregistrait ça, moi, j'étais pas dans la même salle que lui. En fait, au moment où il disait je suis là, et je me rappelle que j'étais en train de rigoler. J'ai failli faire rater la prise à cause de ça, quoi. Parce que j'entendais quelqu'un qui criait dans une pièce. Et je l'avais mis tout seul dans une pièce, et moi, j'écoutais. J'avais un retour juste avec l'animatique en face de moi. Et j'entendais, bon, il va très bien. Mais c'est toi qui l'avais écrit ou c'est lui qui a... Non, c'est moi, je lui avais dit de chanter, il comprenait pas pourquoi je lui avais dit de chanter. Il comprenait tellement rien, parce qu'il a fait un truc que j'attendais pas, donc c'était... Voilà, donc ça c'était bien passé. T'étais déçu sur le coup, en fait, quand t'as entendu le... Parce que maintenant que ça marche, on peut le dire, est-ce que sur le coup, quand t'as entendu cette voix, tu t'es dit, oh là là, c'est une catastrophe, c'est pas du tout ce que je voulais? Non, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait poiler, vraiment, quand je m'attendais pas à cet effet-là, quoi. Parce que moi, j'avais joué sur la voix maquette, évidemment, avec ma voix minable, j'avais joué quelque chose qui faisait pas... qui marchait pas, quoi. Enfin, ça faisait, je suis là. Je comprends qu'il n'ait pas compris grand-chose à mon attention, mais... Et voilà, donc pour en revenir à ta question que j'ai oubliée. Écoute, c'était intéressant, donc voilà, moi aussi j'ai un petit peu oublié ma question, ça arrive. merci Marine, heureusement que t'es là. Ouais, le film ne t'appartient plus au bout d'un moment, donc il y a cette idée de faire un film, mais là il n'y a pas de voix. On revient comme dans Une histoire vertébrale avec... sans voix, il y a une musique qui est... On va en parler plus, hein, de Palmipédarium, il y a une musique qui est moins présente, moins forte, on va dire. Donc il y a vraiment cette idée d'un seul coup de laisser plus la place même aux spectateurs, quelque part, Skizen. C'est vrai qu'on est rapidement attiré vers le film, quoi, quelque part. Bah, c'est un film avec un concept très clair dès le départ. C'est un film, entre guillemets, concept. C'est-à-dire, voilà, j'ai un concept et puis je le décline et je raconte une intrigue autour de ça. Et en fait, je voulais sortir de ce mécanisme-là que je commençais à avoir fait une fois, deux fois, pour tenter d'autres choses. Donc, vraiment, d'aller vraiment faire vraiment un pas de côté par rapport à ce qui m'attire. J'aime bien ces films-là, mais et je voulais me lancer sur quelque chose de plus... de moins évident, moins solide, plus travaillé sur les ambiances, sur la tension, une même émotion pendant tout le film, d'amorcer des choses sans les désamorcer forcément dans le film. Et donc c'était des risques finalement, bon, je prenais des risques par rapport à ce que je savais faire, mais je crois qu'à un moment donné, sinon on tombe dans un systématisme, on applique des recettes bêtes et méchantes avec la musique, on connaît. Donc là, j'ai voulu jouer sans musique, quasiment. D'ailleurs, c'est de la musique souvent là où on n'aurait pas dû la mettre. Je l'ai mise là où il ne fallait pas la mettre. J'ai travaillé avec un autre musicien, compositeur. Alors, je vais te couper, on va parler de Palmipédarium juste après. D'accord. on va revenir sur quelque chose juste avant Palmipedarium, qui est juste après Skizen. Avant Skizen, il y a donc Papy 3D qui se forme, qui demande, ils disent, bah tiens, est-ce que tu veux pas venir? Alors non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça? Non. Alors Papy 3D, ils ont créé ça au moment où je faisais Skizen, et j'ai failli faire partie de l'aventure dès le départ. Je l'ai pas fait par lâcheté, certainement. Je les ai laissé faire au départ pour se démerder, voir comment ça allait marcher. J'avais commencé quand même avec Dark Prince Productions, des amis à moi, à commencer sur Skizen. Donc, c'était vraiment sur cette période-là, c'était le choix, s'est fait assez rapidement quand même. Et du coup, je savais pertinemment que pour un autre film, je viendrais les rejoindre. Et c'était convenu entre nous, que ça se passerait comme ça. Donc, dès que j'ai eu un projet, je leur en ai parlé, je leur ai montré. Ça leur a plu. Enfin, ils n'ont pas compris tellement, mais en tout cas, ils avaient confiance, on va dire. Et puis, comme c'est des bandes de potes, ils n'ont pas su me dire non, et du coup. Et donc, c'était bon. Alors, je vous rappelle juste, on a oublié de dire le numéro de téléphone de l'émission, qui est. Florentine fait ça super bien, c'est pour ça que je lui laisse. Donc, c'est le 01 43 71 89 40. Ah, trop bien. Vous pouvez nous appeler pour dire ce que vous voulez, je répondrai avec joie au téléphone. Voilà, et si deux personnes répondent au téléphone, il y a même Marine Kella qui peut répondre, Rémi peut répondre, enfin voilà, tout le monde peut répondre. Et puis, les gens de Papy 3D, j'ai gardé mon portable en fait allumé, je ne l'ai pas dit, ça se trouve c'est moi, mais voilà, comme ça, s'il dit des bêtises, Rémi, vous pouvez toujours envoyer un message. Ouais, c'est ça, pour dire quelque chose. Papy 3D, on en a parlé ici, c'est une affaire qui marche maintenant. Affaire. C'est... Collectif c'est... qui marche, c'est intéressant par rapport à Babouchka, justement. Ça m'intéressait aussi que ça tombe bien cette année. C'est pas en effet une affaire, mais c'est un. Disons, c'est un outil en fait pour nous. On est plusieurs réalisateurs à s'être confrontés au court métrage avec d'autres productions. Et à un moment donné, on a eu le désir, en tout cas commun, que tout nous appartienne, en tout cas qu'il y ait une grosse transparence et qu'on ait la main sur le choix de nos collaborateurs. Donc on voulait ça, on voulait cette liberté-là, et ils ont fondé Papy 3D, mais sur une impulsion au départ qui était vraiment commune à nous tous. Et je dois dire aussi que là-dessus, il y a quelqu'un qui fait un gros boulot dans Papy 3D, sans qui ça serait pas possible, c'est Richard, évidemment qu'on n'arrête pas d'encenser. Ouais, qui est la seule personne en fait qui fait pas de film, c'est ça. Donc mais finalement c'est bien qu'il fasse pas de film. Il en faut, parce que c'est lui qui tient vraiment tout ce qui tient au quotidien la boîte, c'est-à-dire tout ce qui va être aussi contrat et avec un sérieux vraiment incroyable. Moi je suis incapable de faire ça, mais même un jour. Et lui il le fait toute l'année alors qu'il travaille à côté, donc c'est très compliqué. Et en fait donc on voulait un outil comme ça qui puisse aussi fédérer des efforts communs, c'est-à-dire qu'il faut savoir quand une boîte de prod produit des films, un certain nombre de films par an, elle peut avoir des points au niveau du CNC et tout ça, qui lui donne accès ensuite à des aides pour pouvoir financer d'autres films. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà. Et en fait, donc ces aides-là, par exemple, si un réalisateur obtient beaucoup de points avec son film, avec une boîte de prod, le réalisateur n'est pas du tout concerné par les points qu'il a obtenus finalement. Donc bon, c'est pas très juste, on va dire, parce que la boîte de prod peut récupérer. J'ai rien contre les boîtes de prod. Mais par exemple, je crois qu'en Allemagne, c'est pas exactement ce système. Le réalisateur est plus favorisé pour son prochain film si un film a marché. Ouais, c'est que là, malheureusement, c'est pas une poids de mesure. C'est vraiment la boîte de prod. Bon, là, Edmond Tétanel, par normalement, exemple, évidemment, une boîte de prod qui, avec son film, avec son réalisateur, si le film a bien marché, ils vont réussir à financer plus facilement le film d'après. Ce qui est étonnant, on pourrait dire, c'est que Dark Prince n'a pas fait grand chose, même s'ils ont une réalisatrice pour l'instant qui fait des films, mais après Skizen, on pourrait croire qu'il y avait un boulevard. Non, parce que c'est toujours compliqué de toute façon là, de produire des films d'animation. C'est vrai que moi j'étais leur premier film d'animation, après ça leur a donné envie d'en faire d'autres, je comprends, c'est parce que c'est passionnant, mais c'est toujours lent et on repart à zéro assez rapidement quoi, à chaque fois. Donc là, l'idée, c'était plutôt de capitaliser justement aussi à l'intérieur de votre propre société tous ces points et que ça vous sert finalement. Oh oui, à vous. On l'a pas fait que pour ça non plus, mais c'est une façon aussi de financer malgré tout des films quand on n'obtient pas des aides automatiques, enfin des aides, l'aide sélective et tout ça, en tout cas comme c'est difficile à obtenir. Et puis, c'est vrai que ça nous regroupait aussi sous un même label, entre guillemets, même si on n'est pas. c'est pas un rapprochement artistique vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on fait pas les mêmes genres de films, et au contraire, je pense que bon, peut-être qu'on a tendance à de temps en temps, il y a des choses qui vont baver un peu sur les films des uns et des autres, parce qu'on travaille quelquefois avec les uns et les autres, mais moi, je sais bien qu'on en ait conscience pour essayer de récupérer un peu notre travail d'auteur chacun, parce que c'est pas vraiment un regroupement artistique. Je pense comme Babouchka, peut-être je me trompe, peut-être parler, que vous êtes plus... On va en parler après, non, il y a plein de différences aussi. Je pense dans Babouchka, famille, et on va en parler justement aussi, c'est juste qu'ils sont dans... On bave aussi les uns sur les autres. Vous bavez aussi... Ouais, mais c'est bien de baver. Ouais, mais ça peut... Voilà. Oui, c'est ça, c'est le... Mais nous, c'est... Enfin, voilà, nous, on est venus vraiment... Enfin, avec des unités comme ça. C'est-à-dire que, juste pour rappeler, hein, et notamment, alors, donc il y a plusieurs personnes, toi et Franck Nion, je me suis rendu compte, en fait, vous suivez on fait vos des trois films, ouais, parce qu'en fait, vous êtes, c'est la même année à chaque fois, ils sortent. Bah, je crois qu'il faut à peu près 3-4 ans pour faire un autre film. Comme j'ai là, voilà, il y a un petit croisement entre vous, hein, dans ces deux films, Entraînement et Tétanane et Palmipédarium, qui prennent vraiment deux chemins opposés, finalement, même si on a dit à Franck Nion, par exemple, souvent qu'il y avait un petit côté schizène dans Entraînement et Tétanane, ce qui me paraît toujours étonnant, parce que je trouve qu'il est quand même quasiment, même s'il y a des petites similitudes quand même, à l'inverse, même au niveau de la narration, hein, on n'est pas avec le personnage qui raconte, enfin on va pas la parler de ce mélange, mais c'est, il y a vous deux, il y a Gilles Cuvelier, donc hein, Love Patate, dont on a souvent parlé ici, Sarah Vandenboom, Suki, donc voilà, ça c'est les réalisateurs, Richard Vandenboom, et il y a Pierre Caillet, qui est le compositeur. Ouais. Et donc voilà, donc là, et vous envoyez en fait. Est-ce que tu penses que, parce que c'est intéressant, vous avez un forum, il n'y a pas de bureau. Vous avez un forum où chacun envoie. En fait, le forum, c'est notre salle de réunion, c'est le bureau qui est toujours ouvert. On communique beaucoup dessus. Encore une fois, c'est. Il y a aussi pas que le forum, il y a des outils aussi de gestion pour les envois en festival et des trucs qui simplifient beaucoup aussi le fonctionnement de la boîte, dont Richard s'occupe. Encore une fois, heureusement qu'il est là. Ça, je l'ai dit. Hein. Décidément. Mais voilà, c'est pas une boîte. On ne l'a pas conçue pour grossir plus que ça, en fait. On l'a vraiment conçue pour faire nos films de manière récurrente. Alors évidemment, après, le succès des films fait que on se pose d'autres questions plus ou moins légitimes. On est un peu porté par un engouement qui est quelquefois, finalement, on se rend compte aussi que c'est l'échelle, enfin la boîte a des limites aussi à ce niveau-là, c'est qu'on ne peut pas grossir comme une boîte qui aurait une politique de... On n'a pas cette politique-là de se répandre, de grossir, de se faire... C'est pas possible, quoi. Vous ouvrez un petit peu aux autres quand même, là, avec un projet. Alors oui, ça va être quelqu'un très content. Ouais. Voilà, pas de Papy 3D, qui appartient pas à Papy 3D. Oui, alors on va essayer de produire le film de Maï, qui est une ancienne étudiante des Gobelins et de la Poudrière. Voilà. Donc plutôt qu'il y a quelques financements déjà, mais il faut qu'on boucle le budget. Et je trouve ça bien, oui, de s'ouvrir effectivement, d'ouvrir un petit peu le bocal. Avant de faire une petite coupure musicale, est-ce que tu penses que Palmipédarium n'aurait pas pu être produit hors Papy 3D, hors une société où finalement on t'a pas trop imposé en disant ok, on comprend rien ton projet. En tout cas, on sait pas trop ce que tu vas nous faire derrière, mais vas-y, fonce. Alors que tu avais été un producteur, peut-être qu'il aurait dit faut que tu sois un peu plus carré, là on comprend pas, et ce genre de choses, ou non? Alors c'est vrai qu'on a tendance à peut-être... Bon, on est très exigeant envers notre travail nous-mêmes, donc on s'auto-gère en général, on est au niveau individuel, mais c'est vrai que quand on va chez un autre producteur, il faut quand même défendre peut-être plus son projet et tout ça, donc argumenter davantage, alors peut-être que ça a une incidence sur, en tout cas, la finalité, sur le film après. Mais je pense pas, non, si j'étais allé voir un autre film avec un autre producteur avec ce film-là, bon, ils auraient peut-être pas compris, mais ils auraient joué la carte de la confiance. Il a fait un film avant, ça a marché. Bon. Voilà, ça peut être trop compliqué de le financer, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, à mon avis. Ok, on va faire une petite coupure musicale. Ah, j'ai fait dire pub. Ça manque de temps à autre. Non, c'est pas vrai, ça manque pas. On est sur Radio Libertaire, faut en profiter, on n'a pas de pub. Donc on continue avec cette continuum musical. J'adore dire des mots que je comprends pas. Ce continuum musical qui, pour guérir ce chat donc, dont je vous parle, hein, qui est un petit peu malade. Donc voilà, on continue avec, après Love Cats, après Gigi et Kiki, la petite sorcière, après Love Cats des Cure. On continue avec l'un des chats les plus connus au monde, qui est bien sûr Félix... Félix the Cat, donc vous allez voir, avec une version un peu jazzy, un peu différente. Et on va pas à... là, je le dis à Nicolas, comme d'habitude. Donc, c'est le morceau 5. Et ensuite, on ne passera pas au morceau 6, qui était Crazy Cat, qui était un autre chat très connu de la BD, mais on va passer dedans, et on va passer au morceau 7. Donc, 5 et 7. Merci Nicolas. On écoute ça et on revient après pour parler de Palmipedarium et on va voir ce que Vargo, qui a l'air de s'ennuyer un petit peu, on va le voir. Merci Nicolas. À tout de suite. Donc toujours bulle de rêve. Dis-moi Vargo, t'as vu Palmipedarium? T'as pas vu? Tu montes pas les films à... Mais si tu l'as vu. Le film avec le canard, tu l'as pas vu? Ah si. Bah alors. Voilà. Bon, t'as aimé? Ok. C'est bien. Mais ça, c'est ton père, il choisit toujours des titres invraisemblables pour ses films. Après Schizen, Palmipedarium. Donc, c'est, on a entendu, donc, vous avez entendu donc, Félix the Cat. Il faudrait que je vous dise. Comment ça, vite, vite, rapidement. Félix the Cat, qui est interprété par. Parce que sinon, je fais pas bien mon boulot. Et je veux. Par Paul Whiteman and his orchestra. Et ensuite, on a entendu un petit morceau de Palmipedarium. Palmipedarium, c'est. L'envie, c'était de quoi? De confronter. Un enfant, un monde d'adulte, c'était de parler de la différence. Il y a plein de choses. On a l'impression que c'est un film qui laisse pas mal d'ouverture au niveau des thèmes et finalement, justement, par rapport à Schizen. Bah, c'est un film que j'ai fait pour pas donner, pour faire des films, un film que je savais pas faire en fait. Voilà. Donc en fait, je voulais un film qui amène, qui crée pas mal d'attentes chez le spectateur et que le spectateur en regardant ce film. Soit un peu comme un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant en fait n'a jamais les tenants et les aboutissants des choses. Quand on est enfant, voilà, on n'a pas tout de suite une réponse exacte à ce qu'on vient de voir ou de ressentir. Et le spectateur est un peu comme ça. Enfin, je voulais en tout cas qu'il ressente ça, qu'il accepte en fait de passer d'une tension à une autre sans avoir forcément la réponse, en tout cas une attente, une réponse précise de ce qu'il venait de voir. C'est pour ça qu'il y a des moments donnés où, par exemple, quand ils partent à la chasse, on va pas voir justement le résultat. On n'est pas sur l'adulte, on n'est pas avec le père. On est avec l'enfant qui joue avec la peau et finalement pas sur le père en train de tirer sur les canards. Oui, en fait, j'occulte pas mal d'événements et je récupère. Le montage est assez brut en fait et je récupère l'enfant après sans forcément montrer le moment où il y a eu la détonation, les choses comme ça. Mais même dès le début du film, en fait, on est derrière cet enfant. Le spectateur est tiré d'ailleurs physiquement aussi parce que c'est le canard. Il est placé au ras du sol au début avec une vue subjective. Et c'est l'enfant en fait qui va décider du chemin que va faire le scénario quasiment. Donc on peut pas savoir parce qu'un enfant ça passe aussi bien, ça peut être sujet à l'empathie et l'instant d'après être cruel. Et c'est comme ça dans un enfant, voilà, ça passe de l'un à l'autre comme ça, sans logique vraiment claire, enfin sans logique tout simplement. Et le film fait un peu ça, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à l'autre comme ça, et jusqu'à même pendant tout le long du film, jusqu'à la fin, où on récupère cet enfant au milieu. Je ne vais pas raconter la fin quand même. Non. Mais, voilà, enfin tout le film est vraiment sur cette corde-là. On ne sait pas ce qui va se passer. S'il part à droite, on va partir à droite comme lui. S'il part à gauche, on va le suivre et puis on va s'attacher aux choses qu'il va rencontrer parce que lui, il a l'air de s'y intéresser aussi. Mais en même temps, on a toujours un temps de retard. Par rapport à lui, dans sa trajectoire, on est toujours en retard. Voilà, je voulais évoquer ça et faire ressentir ça. On est dans une caméra qui est en effet assez, assez calme. Là où Schizen, elle était encore une fois souvent en mouvement. Là, il y a quelques mouvements, mais qui sont vraiment très brefs et qui sont très, très rapides, on va dire. On a l'impression vraiment d'enregistrer une réalité. Il y a quelque part. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont, je sais pas si inspiré, ou des réalisateurs où tu as voulu aller dans cette veine de cinéma finalement un peu plus. Contemplative, on va dire. Alors c'est contemplatif. Souvent, on associe ça à des plans assez longs et tout ça. Les plans sont pas très longs parce qu'il y a pas mal de plans en fait dans le film, mais ils sont c'est assez cut en fait. Mais j'aime bien les montages un peu rugueux et je voulais un film comme ça, vraiment par petits morceaux choisis en très linéaire en même temps dans la progression. C'est-à-dire qu'on a une émotion qui est tirée pendant tout le film et il y a pas de rebondissement, il y a pas de choses comme ça. C'est vraiment une espèce de tension qui est. Il n'y a pas un meurtrier dans le film, mais il y a quand même une tension, enfin en tout cas ce que je voulais. Et c'est la même pendant tout le film, jusqu'à la fin, où finalement elle n'est pas désamorcée réellement, mais elle s'évanouit un peu dans le paysage, comme ça. Mais je n'ai pas de référence, il y a certainement des films qui ont dû me marquer, mais je n'ai pas de référence qui me viennent à l'esprit comme ça. Ouais, qui t'ont venu. Alors, on est vraiment dans cette idée. Alors, par contre, encore une fois, je reviens vraiment là-dessus, sur le spectateur libre de ses choix. Il y a cette rencontre avec ce canard un peu particulier, étrange, et ce jeu avec la différence, et finalement de se retrouver à un moment donné où aussi est-ce qu'on suit là l'image paternelle finalement, ou alors est-ce qu'on suit complètement autre chose, et on sent l'hésitation. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucun moment donné sur le visage, on parle souvent d'acting, mais il faut que ton acting, etc., et on a l'impression que là qu'il est tout le temps voilà, il prend les choses comme elles viennent, mais sans nous montrer s'il est content, pas content. Enfin voilà, on n'a pas justement, comme tu disais, on va pas ou vers l'empathie ou vers la douleur, j'en sais rien. On est finalement, face à nous-mêmes par rapport à ça. Oui, enfin, moi, je voulais pas qu'on ressente que l'enfant nous dise quoi penser, enfin, ce qu'il pensait en tout cas à un moment lambda. Donc, je voulais qu'on soit dans cette incertitude totale, qu'on soit pas bien, que ce soit pas confortable de voir ce film, en fait. À un moment donné, quand il croise effectivement cette bestiole, alors est-ce que le spectateur, au début, peut-être, il s'attache un peu à l'enfant, et puis finalement, il s'attache ensuite à cette bestiole comme l'enfant aussi semble s'y attacher. Et du coup, on ne comprend pas très bien ce qui se passe aussi à un moment donné où le jeu se transforme en un jeu un peu plus cruel. Et je ne sais plus ce que tu me demandais. Voilà. Je disais donc. Ça répond à ta question ou pas? Ça répond plus ou moins à la question. C'est à mon fils. C'était, on peut peut-être lui demander en fait, faire l'interview en effet. Donc, il y avait l'idée de. Ok. Donc, de ne pas forcément, en tout cas, obliger le spectateur là, à être dans une. Dans une conception, est-ce que les gens viennent te voir à la fin de festival? Là, tu l'as montré à Anima où tu as eu un prix. Est-ce que les gens viennent et disent j'ai rien compris à votre film? Ou en fait, c'est très bizarre parce que je voulais pas le suivre. J'avais un peu peur en fait de suivre ce film parce que voilà, comme c'est un film qui est pas du tout universel, je suis pas en train de dire aux gens voilà, là à ce moment-là, il faut penser ça. Là, vous allez rigoler. Là, vous allez et à la fin, vous avez pensé ça. Donc, je sais absolument pas comment sortent les gens et du coup, j'avais peur de me confronter à ça. Et donc, c'est très bon. Il y a des gens évidemment qui, à mon avis, qui passent complètement à travers et c'est normal. Le film veut ça aussi. Et il y en a d'autres, par contre, qui sont assez. Ça évoque toujours une partie de leur enfance. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les chasseurs, comme ça, les familles de chasseurs. Il y en a qui se sentent vraiment comme dans un rêve. On m'a dit ça pendant tout le film, comme ça. Il y en a deux qui ont pleuré après le film. Un père et un fils qui se sont regardés. T'as trouvé ça comment? Ils ont pleuré. Waouh! Non, mais alors ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils avaient pris quelque chose avant. Mais non, donc c'est un film qui laisse un grand fossé au milieu entre ceux qui aiment bien et Mais un père et un fils, ils avaient. Le fils était grand c'est déjà. C'est Gilles Cuvelli qui m'a raconté ça, je peux pas en dire plus. Ah d'accord. Tu lui demanderas. Ok, on lui demandera, il peut nous appeler. Hein. Si jamais il écoute de temps à autre, je sais pas s'il est là, mais voilà, on pourrait lui demander. Ouais, mais non, parce que c'est vrai que c'est un très beau film finalement sur le rapport entre cet enfant et. Mais son père et sa mère aussi, d'ailleurs, sur monde des adultes en général. Alors, je sais pas si. Non, en tout cas, c'est peut-être pas le rapport entre le père et le fils. C'est vrai qu'il y a l'image paternelle, il suit les pas de son père à un moment donné, mais c'est plus l'enfant par rapport à son environnement. Mais global, c'est pas les parents seulement, c'est aussi. C'est assez simple, en fait, dans le film. Il y a une maison, un champ où il se passe rien, et une forêt où il y a une mare un peu obscure. Et donc il y a l'enfant est toujours entre ces deux endroits, le côté rassurant, la famille, la maison, tout ça, et l'inconnu, la forêt, tout ça, dans lequel il peut planquer des choses, qu'il comprend pas et qu'il comprendra peut-être plus tard, en tout cas, des choses un peu plus opaques, il les planque là-dedans. Et lui gravite en fait entre ces deux endroits souvent dans le film. Voilà, il se balade dans un truc un peu un désert de. Je comprends pas bien. Quoi. C'est facile à pitcher. Il y a une chaîne derrière. Ah, tu vois comme je galère à pitcher. Tu crois que c'est facile hein? Non, c'est. Il y a Arte qui est. Ouais, Arte, Hélène Vessière qui l'a préacheté. Ça a été facile ou. Non, une fois que le film a eu le CNC, moi j'ai appelé Hélène pour lui demander ce qu'elle en pensait. On s'est vu et puis on a parlé de 2-3 choses. Elle avait déjà été. Avait déjà produit ce qu'ils aient. Enfin, elle avait déjà été, voilà, donc il y avait un passif intéressant. En tout cas, le film Skizane avait suffisamment marché pour qu'elle me reçoive, en tout cas. Et puis, nous, on a discuté. Alors, je pense que c'est normal. Elle ne savait pas trop ce que j'allais en faire de ce film-là, mais elle m'a fait confiance. Et on a vu 2-3 points sur lesquels on est tombé d'accord pour corriger. C'était l'histoire de 2 plans, peut-être. Bon, je vous conseille d'écouter absolument. Longtemps, je me suis couché tôt, tard. Je sais plus, en tout cas l'émission de Bonheur voilà, de Francis qui est juste après, il y a moins d'un mois, et il recevait Hélène Vessière justement juste avant Clermont-Ferrand et donc voilà, elle explique comment elle travaille et c'est pas évident, mais c'est intéressant en tout cas à entendre et c'est intéressant parce que c'est quand même un personnage évidemment quasiment incontournable aujourd'hui dans le monde de l'animation. J'aurais bien aimé la recevoir ici, mais bon, elle est difficile à avoir, donc voilà. Après Palmipédarium, il en est au début, on peut pas trop en parler parce qu'en effet, il faudrait... enfin, aller un peu plus loin, et c'est vrai que malheureusement, ben, une grande partie des gens ne peuvent pas le voir aujourd'hui, sauf en festival. Puis il y a plein d'invités qui vont parler avant ton émission. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète ça pas. Ça termine dans 5 minutes, non? Hein? C'est dans une heure. Une heure. Ouais, c'est... Non, t'inquiète pas, quand même. Et ok, j'ai 5 invités pour 5 minutes. Ok, donc une minute par. Non, t'inquiète pas, j'ai pas l'air comme ça, mais en plus. J'ai ma contrôle fric là de l'heure, Florentine qui me regarde, et je la vois toutes les 30 secondes regarder l'horloge, donc c'est un peu terrible. Donc, mais non. Une fois qu'on a fait ces 3 courts-métrages, tout le petit monde de l'animation, là, évidemment, va vers le long. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie de faire, ou il y a encore l'envie de toute façon de faire du court-métrage, qui n'est pas du tout la même écriture, évidemment, et même si tu passes au long, parce qu'à un moment donné, voilà, il y aura peut-être une envie, ou est-ce qu'il y aura toujours cette envie de continuer à faire des courts? Il y a plusieurs questions là. Bah, je pense que le court-métrage, en tout cas, est vraiment le pour le film d'animation, et à mon avis, l'objet de prédilection du film d'animation. Parce que autant j'ai du mal à trouver beaucoup d'intérêt, enfin, je trouve ça très difficile, beaucoup plus difficile d'aboutir à un long-métrage d'animation qui soit intelligent, adulte et tout ça, parce qu'on est tout de suite face à des. Aux gens qui veulent faire des films pour enfants, ou en tout cas ça coûte très cher, le process est très compliqué graphiquement aussi pour avoir l'image qu'on veut, un contrôle sur l'image sans se laisser bouffer par toute la fabrication sur un long métrage, je parle. Du coup c'est difficile, on y arrive, mais c'est difficile d'avoir des films intéressants. C'est plus facile d'en avoir en tout cas en prise de vue réelle à mon avis pour le long métrage. Mais pour le court métrage, je trouve justement que là il y a une échelle qui correspond bien à l'expérimentation et qu'on peut avoir en animation, et aussi l'idée de garder le contrôle sur ce qu'on fait en tant qu'auteur et tout ça de A à Z, quelque chose à mon avis qu'on perd complètement sur du long. Donc il y a toujours l'envie. Donc moi j'ai toujours des idées de court-métrage, effectivement. Après là en ce moment justement tu parles de ça, moi je travaille sur, comme tout le monde, sur un long-métrage. Non, bon, il se trouve que je suis on est dans le développement, en phase de développement, donc c'est quand même assez sérieux dessus. On n'en parle pas trop encore, mais je travaille avec Marc Dupont-Avis dessus, qui a produit Johannes Farr. Donc sur l'écriture est faite, donc c'est une adaptation. Il est venu me voir avec un livre de Guillaume Laurent, voilà, que personne ne connaît, mais qui est scénariste d'Amélie Poulain. Il travaille pour Barbette Schroeder aussi, et puis pas mal de monde. Et on a coécrit cette adaptation, et puis là maintenant je travaille sur le développement graphique. Wow. Voilà. Bon, on va pas parler de ça parce que c'est encore au début. C'est lourd, comme tu disais. C'est vraiment difficile. Ça fait un bout de temps que tu travailles dessus, et tu sens que par rapport à un cours, justement. Bah, ça fait un bout de temps, ouais. Ça fait un bout de temps, mais j'ai arrêté à un moment donné l'écriture pour faire Palmipédarium, en fait. Donc là, le producteur ne comprenait pas que je m'arrête pour faire un court métrage, parce que j'avais un contrat, j'étais rémunéré quand même. Et du coup, je dis non, j'arrête le long, je vais faire un cours. Ça arrive jamais, ça. Mais en fait, le cours était déjà plus ou moins entamé, donc je suis obligé de le faire, puis je l'aurais fait quand même. Et effectivement, dans l'écriture d'un long, moi j'ai pas de formation de scénariste, je suis pas scénariste de formation du tout. Et du coup, j'ai une méthode qui peut être très laborieuse et très empirique, forcément, qui marche à l'échelle d'un court-métrage, mais sur un long, d'un coup, les allers-retours et l'effet de domino se fait ressentir beaucoup plus, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on va changer un élément du scénario, on revoit sa copie depuis le début. Ça fait 80 pages à peu près, donc ça devient vite très compliqué. Donc en fait, j'ai repris, à un moment donné, j'étais pas satisfait, on avait fait 2-3 versions. On croit toujours être satisfait de cette version-là, et finalement, le lendemain, on se dit que c'est pas bien et tout ça. Et après, on a tout repris de A à Z, et puis j'ai écrit vraiment en jetant le bouquin dans un coin pour l'oublier complètement et faire vraiment un film comme si c'était presque. Une idée originale, d'ailleurs ça change, le livre est assez loin finalement, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, mais il y a beaucoup de liberté aussi. Dernière question, je rassure Florentine, dernière question, tes profs, donc notamment à La Poudrière, et dans d'autres écoles, non Emilco, enfin t'es intervenant en tout cas. Ouais, intervenant prof, on va dire. Intervenant. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est pas une question de... On a envie de dire quelque chose aux étudiants, mais dans ce que tu me dis et dans les discussions qu'on a eues, j'ai l'impression vraiment, être réalisateur et notamment l'animation, il faut vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. On ne dit pas tout, mais par rapport aux chaînes, par rapport au CNC, par rapport aux producteurs, et il y a vraiment l'idée d'un seul coup de ne pas changer de cap et d'absolument garder son cap, même si on, de temps en temps, on essaye d'imposer un autre cap. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te paraît important? Est-ce que c'est ça la chose la plus importante pour aujourd'hui être voilà, la tête de trois courts-métrages qui ont plutôt bien marché, en tout cas voilà, une certaine? C'est quoi Bah, c'est des métiers qu'on choisit pas par hasard, on choisit ça aussi par passion et tout ça. Donc c'est vrai qu'après, on peut se retrouver embarqué sur des choses qu'on n'avait pas prévues et qui finalement, une fois au milieu de ces choses-là, ça ne nous plaît pas tellement. Par exemple, de la série, des choses comme ça. Donc après, il y en a qui sont très à l'aise dessus, et moi je suis pas à l'aise là-dessus parce que je me sens pas bien. C'est pas, enfin, mes compétences sont pas dans ce genre d'écriture-là. Ça dépend vraiment où on veut aller. Après, on peut faire des erreurs et c'est là qu'on voit que c'est pas là où c'est pas ça qu'on voulait faire. Et du coup, ça nous recentre aussi sur nos intérêts. Mais bon, il y a pas un chemin. Je crois que on a tous des parcours différents. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'on vienne pas tous avec le même sac à dos avec. Ça y est, Non, d'où la difficulté d'être finalement intervenant, parce qu'en effet, c'est compliqué de dire à quelqu'un, tiens, faut bien que tu fasses ça comme ça, alors qu'on sait bien qu'il y a plusieurs chemins, comme tu dis, finalement. Non, ouais, faut être honnête par rapport à soi-même. Ok, sur cette phrase absolument incroyable, on va passer à une coupure musicale. Je le sens quand Vargo commence un petit peu à... Je sens qu'il faut faire une coupure musicale, c'est bon, il devrait venir à chaque émission. On va faire une coupure musicale et je suis assez content de vous... ça fait longtemps et puis je trouve ça pas mal, ce groupe-là. C'est un groupe qui s'appelle I Wrestled a Bear Once. Hein, j'ai catché un ours une fois, je l'avais fait écouter ça il y a très longtemps et je l'ai fait écouter quelques fois. Et ça s'appelle The Cat's Pajamas, mais ça s'appelle, c'est avec un A. Un peu comme Mother, enfin voilà, c'est un truc difficile à dire, pajamas. Et en fait, un cat pajamas, j'ai regardé, c'est un truc super cool. C'est un nightly sought after and fancy example of something usually referring to inanimate object. J'ai pas complètement su ce que ça voulait dire en français, donc c'est pour ça que je vous le fais en français, c'est pas en anglais. Ouais. Voilà, et en fait, c'est un truc, mais en tout cas, c'est un truc cool qui vient par rapport au truc du jazz dans les années 30 et tout, donc voilà, parce que les chats, c'est super cool. Donc voilà, on continue dans notre thématique chat. Là, normalement, ça devrait vous réveiller un tout petit peu plus. On écoute ça. Et bien sûr, pardon, on enchaîne. Bien joué, Alexis. On enchaîne avec le morceau juste après. Merci beaucoup.